L'actualité à Nancy et ailleurs. Les compagnons du devoir organisent leur journée portes ouvertes ce week-end, le 20 et 21. Pour nous en parler, je reçois Camille Breteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prévôt pour les compagnons du devoir. On va donc discuter avec vous de ce nom connu des Français, mais est-ce qu'on les connaît réellement? Vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est quoi le principe des compagnons du devoir? Alors, les compagnons du devoir, pour vous l'expliquer simplement, c'est donc une association qui a pour but de former sur une trentaine de métiers différents en alternance, donc sur 5 filières différentes également. À savoir que ces 5 filières différentes sont donc la filière du bâtiment et de l'aménagement, les nouvelles technologies, les métiers du goût, les métiers des matériaux souples, ainsi que quelques inclassables comme les tonneliers ou les maréchaux ferrants. L'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est donc la proposition de faire une formation avec un temps en entreprise et un temps en centre de formation. C'est donc l'occasion pour de jeunes femmes et de jeunes hommes de rentrer dans la vie active, d'apprendre un métier. Pour cela, les compagnons de devoir favorisent beaucoup le temps en entreprise avec une moyenne d'alternance de 6 semaines en entreprise pour 2 semaines en centre de formation. Une grosse alternance qui met la mise en avant aussi sur la pratique directement dans l'entreprise. Alors, à qui s'adressent ces formations pour les compagnons du devoir? Qui peut s'inscrire? Alors, en soi, tout le monde. On peut commencer à partir du post-collège, donc à partir de 15 ans. On peut faire du post-bac, donc après un premier diplôme niveau bac ou un autre CAP dans un autre métier. Et on fait également de la reconversion professionnelle jusqu'à tout âge, tant qu'on est motivé à apprendre un métier. Donc c'est-à-dire que même une personne qui a peut-être déjà 20 ou 30 ans de carrière, si elle a envie de se réorienter, peut aller aux compagnons du devoir et apprendre un nouveau métier. Complètement. Et on propose également de la formation modulaire, c'est-à-dire de la formation pour les entreprises. Camille Breteau, on l'a dit, vous êtes prévôt. C'est quoi son rôle? C'est quoi ses missions? Alors, le prévôt chez les compagnons du devoir, pour dégrossir, c'est un peu le directeur d'établissement, le directeur de site. Pour devenir prévôt chez les compagnons du devoir, il faut réaliser un tour de France et donc devenir compagnon du devoir. Pour ma part, je suis donc compagnon couvreur. J'ai commencé les compagnons à l'âge de 15 ans, après mon brevet. Et j'ai fait mon tour de France en parcourant donc un petit peu la France, mais également l'international, car c'est une étape qui est possible. J'ai donc eu l'occasion de partir à 18 ans pendant un an en Autriche et à 20 ans un an en Australie dans le cadre des compagnons du devoir pour apprendre mon métier. Ce tour de France, qui est un petit peu connu du public, c'est la possibilité de faire un parcours diplômant, de continuer son parcours en passant des diplômes, en voyageant. Et ça, c'est la formule que proposent les compagnons du devoir. Et ça, c'est pour tous ceux qui s'inscrivent, qui souhaitent s'inscrire à une formation, ils ont cette possibilité de participer à ce tour de France. Exactement. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation lorsqu'on vient chez les compagnons, donc de poursuivre sa formation en faisant ce Tour de France et la possibilité d'être prévôt à la fin de ce Tour de France. On peut devenir prévôt, donc m'occuper du site ainsi que du centre de formation des compagnons. Nous pouvons également être formateurs, donc vraiment être au plus proche des jeunes, leur apprendre le métier, le savoir-être et le savoir-faire dans chaque métier. Et également continuer son Tour de France en s'occupant des jeunes de son métier, être donc animateur de métier. On a parlé dans les compagnons du devoir du fait de voyager, du fait d'apprendre un métier en alternance. Il y a un troisième aspect qui est assez important chez les compagnons du devoir, c'est le vivre en communauté. Exactement. On va même partir sur quatre piliers fondamentaux. On a donc le métier, le voyage, la communauté et l'initiation. Pour vous parler un petit peu de la communauté, c'est cette possibilité donc de vivre ensemble, de voyager ensemble, mais d'apprendre ensemble également. Par exemple, si nous prenons Jarville-la-Malgrange, où nous sommes situés, c'est 80 jeunes qui vivent à l'année entre 15 et 30 ans, de tout métier confondu, de tout niveau confondu, qui vivent en communauté. Quel est l'avantage de faire ça? C'est déjà, on est tous ici, tous ces jeunes sont ici avec le même but, apprendre leur métier en voyageant, et ils savent qu'ils sont venus chez les compagnons pour travailler. Une semaine classique pour des jeunes résidents chez les compagnons du devoir, c'est du lundi au vendredi pour la plupart des métiers. Ils sont donc en entreprise, ils font leurs 35, 40 heures, voilà, ça dépend. Le soir, ces jeunes sont également en cours, de 20h à 22h. Ils ont également des cours le samedi de 8h à 18h. C'est donc une formation poussée, avec beaucoup de travail personnel et un accompagnement individualisé. On l'a dit, ce sont bientôt les journées portes ouvertes aux compagnons du devoir. C'est ce week-end, le 20 et le 21. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire et où est-ce qu'on va pouvoir se rendre pour découvrir justement les compagnons du devoir? Eh bien, je vous invite à venir au 6 rue du Général de Gaulle, à Jarville-la-Malgrange, donc au centre de formation des compagnons du devoir. où vous aurez l'occasion de voir tous ces jeunes résidents vous faire découvrir leur métier. Chacun d'entre eux va vendre son métier en disant que c'est le plus beau du monde, parce que pour eux, c'est le cas. C'est une vraie passion pour eux, leur métier. Vous aurez donc la possibilité de voir les ateliers, ces jeunes, et également de faire de l'initiation dans ces métiers-là. À savoir qu'à Gerville-la-Malgrange, on propose 6 métiers en formation sur la trentaine que l'on propose chez les compagnons. Nous avons donc les couvreurs, les charpentiers, les menuisiers, les maçons, les métalliers et les plombiers. C'est un peu grâce aux compagnons du devoir aussi ces métiers, je ne vais pas dire oubliés, mais dont on pense peut-être pas forcément au premier abord quand on parle d'orientation. Ah, complètement. Et puis là, nous, on est ici pour également leur faire découvrir un petit peu les métiers que l'on propose chez les compagnons lors de ces journées portes ouvertes. C'est l'occasion de se dire, c'est vrai, il y a ce métier-là, j'aimerais bien essayer. Et avant d'arriver chez Compagnons du Devoir, en tout cas, nous, on recommande fortement de faire des stages découvertes en entreprise directement. Parce que voir des vidéos, en parler, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que de toucher la matière, de se lever le matin pour vraiment comprendre le sens du métier. On le rappelle donc, ces journées portes ouvertes, c'est donc ce week-end. Et donc, rendez-vous à Gerville-la-Malgrange pour découvrir les Compagnons du Devoir. Un site web, des réseaux sociaux, on peut suivre l'actualité des Compagnons du Devoir. Complètement, vous pouvez nous retrouver un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Nous avons quand même favorisé donc le site internet. Vous pourrez donc retrouver toutes les informations sur les Compagnons du Devoir, ainsi que les journées portes ouvertes, des vidéos, des commentaires, des témoignages. Vous pourrez tout trouver dessus. Merci beaucoup Camille Breteau, prévôt chez les Compagnons du Devoir, d'être venu nous présenter ces belles formations. Merci à vous et c'est un plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.